soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, on regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles en ce lundi 2 décembre 2024. Un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois qui sera le dernier de cette année 2024, mois de décembre. Et oui, l'impression parfois d'être derrière la vide, vous savez, installé derrière le paysage défilant à grande vitesse. On n'aura pas vu cette année 2024 passer, un peu installé comme dans un TGV. Mais de train, tout simplement, il sera question en ce jour et pour ce premier magazine des mots des sons sensibles de cette semaine, parce que l'association Le Train 63 42 69 a décidé à partir de cette semaine et en cette fin d'année de repasser à la vitesse supérieure. Je vous reprécise, cette association est une association citoyenne dont les objectifs principaux consistent à promouvoir et à défendre la nécessité de la réouverture dans sa continuité de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, Partières et Boin, un tronçon de 48 km. Suspendu à tout trafic depuis mai 2016, trait d'union entre les ex-régions Auvergne-Rhône-Alpes et les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. Alors précisément, nous allons prendre le train aujourd'hui pour deux actions attendues. À partir d'aujourd'hui, chaque semaine, cette association va publier un témoignage d'usagers des cars désormais en place entre Clermont et Saint-Étienne, et des témoignages qui mettront donc en lumière les difficultés depuis la suspension de cette liaison ferroviaire entre ces deux lignes et ces deux villes surtout. Et puis une action prévue encore, un chantier participatif, donc autre participation sollicitée au sein de cet asso pour un chantier prévu ce 7 décembre. On en reparle durant ce programme, ce sera le principal menu contenu avec interview auprès de cette association réalisée lors du Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique qui se tenait fin novembre, c'est 23 et 24 novembre dernier, l'occasion de les recevoir à notre micro pour nous présenter cet asso que nous vous avions déjà présenté précisément sur notre antenne à l'occasion d'autres actions menées. On pense à un relais du rail qui avait eu lieu le 5 octobre dernier pour exiger toujours la réouverture de la ligne Clermont-Saint-Étienne. Voilà, le retour du train, donc, au menu de ce programme aujourd'hui. Tout cela ponctué de quelques infos diverses et variées à vous faire part. Et puis, des cadeaux à la clé durant ce programme. Restez à l'affût, à l'écoute et affûtez le téléphone pour des places à gagner et des concerts attendus sur Saint-Étienne, notamment Salle Le Fil. Les derniers concerts, d'ailleurs, partenaires duo de cette année 2024. On commence en musique, comme à notre habitude. Des mots, des sons sensibles vous proposent en ouverture chaque semaine. C'est notre règle d'or, nos découvertes partenariats Ferrarock chaque semaine. Et cette semaine, précisément, notre Fédération des radios associatives rock de France vous propose double artiste album. Bien sûr, en découverte. C'est le cas avec le nouvel album et premier album d'ailleurs de ce trio It Girls pour l'album Aria Silencio qui est sorti le 8 novembre dernier chez Bureau B. Mais j'ai décidé de m'arrêter en ouverture sur cette autre proposition cette semaine. C'est le nouvel album là de Mick Strauss, In the Dark, qui est sorti il y a quelques jours, le 22 novembre dernier chez R Ritmo. Alors, un artiste qui a déjà quelques années d'activité, il frôle la quarantaine aujourd'hui. Il avait sorti un premier album, Southern Wave, qui relatait comme ça 6 mois de voyage au cœur des États-Unis, sa patrie maternelle, et qui avait donné finalement cet album de voyage qui était sorti en 2021. Et cette année 2024 a été marquée par plusieurs activités pour l'artiste, des collaborations avec Moriarty, dont il est, on le rappelle, le fondateur et l'un des principaux auteurs, avec par exemple Astéréotypie, ce collectif de musique avec qui il compose et joue de la basse, dont on vous a très largement parlé sur cette antenne, des bandes originales pour divers théâtres et cirques, et puis le voilà de retour donc depuis le 22 novembre dernier avec ce nouvel EP, 5 titres. In the Dark, Mick Strauss, de son vrai nom Arthur B. Gillette, et qui propose cet album-là très folk, strange folk même, tout enregistré à la maison ou presque dans un grenier de Douarnenez, la ville repère d'artistes pirates et de pêcheurs du Finistère où il habite. Et le voilà donc de retour, bien entouré, notamment par la violoniste et chanteuse Jennifer E. Hutt, qui est américaine, qui a joué entre autres avec Will Oldham, la violoncelliste et chanteuse française Maëva Lebert, qui a accompagné de nombreux autres chanteurs, chanteuses de rock, folk, chansons françaises. Bref, de belles réminiscences au sein de cet album, de toute cette indie rock folk ricain que l'on apprécie et que j'apprécie particulièrement. Bref, je vous propose de découvrir Mick Strauss avec ce titre Bad River en découverte partenariat Ferrarock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, bienvenue, c'est parti. I've been the whole world around, thinking I'd find safer ground. I know that you were watching, little one. It all got out of hand. I will never understand. We lost our heart at sea, little one. Bad river, bad river, bad river. Bad River, signé Mick Strauss, un des titres issus de ce maxi 5 titres, donc un EP sorti ce 22 novembre dernier, In The Dark, qui est sorti via R Ritmo Label. En effet, pour Mick Strauss, donc en partenariat Ferrarock cette semaine. Qui dit partenariat dit présentation, diffusion et jeu concours. Mais alors voilà, cela n'est pas systématique. Autant vous dire de suite que les deux partenariats découverts cette semaine ne font pas l'objet de jeux concours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque à gagner. Néanmoins, ces artistes vous sont présentés, diffusés, programmés et défendus sur les antennes Ferrarock. C'est donc le cas sur le 895 de Dio et vous entendrez, réentendrez parler de Mick Strauss. L'autre partenariat, c'est It Girls pour un premier album, là, Aerea Silencio, qui est sorti le 8 novembre dernier via Bureau B. Alors, vous avez toute l'actu, bien sûr, via le site dédié ferrarock.org et puis en écoutant le programme Dig Dig Diggers chaque semaine, chaque vendredi. Néanmoins, petite exception à nouveau cette semaine, car la Ferrarock et les radios Ferrarock seront cette semaine en direct du Festival des Bars en Transe. Et oui, c'est l'ouverture en festival du côté de Rennes. Voilà, on était à Douarnenez avec Mick Strauss. On sera là à Rennes, hein, avec les transmusicales, bien sûr, et les bars en transe de Festival en Un. Et la Ferrarock assurera un plateau en direct et en itinérance, s'il vous plaît. Et oui, cette fin de semaine avec un plateau qui est prévu à partir de ce jeudi, du 5 au 7 décembre. Un plateau pour 3 heures quotidiennes et donc pour 3 jours, de 16 à 19 heures pour couvrir ce Festival des bars en transe. Voilà, ce seront des membres de nos radios copines et cousines, les radios bretonnes bien sûr, Canal B, Radioactive, mais également Radio Méga, Radio Béton, Fréquence Mutine, West Track, PFM, Jet FM qui seront aussi sur place pour animer ces émissions. Alors on vous proposera non pas donc un Dig Dig Diggers exceptionnellement non présent sur nos antennes cette semaine pour raison de bar en transe, mais nos découvertes et partenariats cette semaine seront bel et bien à l'honneur de ces plateaux puisque ils seront accueillis pour interview sur le plateau en direct des bars en transe. Donc voilà, nous vendredi, jeudi aura lieu le premier jour de ce direct et de ce plateau des bars en transe. Vendredi, on vous proposera dans les créneaux 12h, 19h et lundi matinal en 8h, bien des rediffusions d'horaires justement d'heures prévues dans le cadre de ces plateaux. Voilà, Ferrarock, donc actualité cette semaine. On va ouvrir ce programme des mots des sons sensibles avec notre sujet du jour pour vous parler de transport, de train, plus précisément le train 63 42 69. C'est d'ici un instant sur Dio. Et on prend le train avec pour terminus le grand tournant. Entre la gare de Thiers et celle de Boin, la voie ferroviaire traverse les montagnes et saute au-dessus des gorges de la Durolle avec des ouvrages d'art importants tels que de longs tunnels et des ponts construits au XIXe siècle. Le viaduc du Grand Tournant est le plus grand ouvrage ferroviaire de la région thiernoise avec ses grandes arches. Il enjambe un vallon creusé par un ruisseau qui, avant de se jeter dans la Durolle, irrigue la fontaine du village du même nom. En 2016, la section entre Thiers et Boin de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne a été suspendue par SNCF Réseau et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette ligne est ancienne. La deuxième moitié du XIXe siècle voit l'arrivée à Thiers du train qui permet alors d'acheminer marchandises et personnes beaucoup plus facilement en direction de Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, Lyon, Vichy, Amber, etc. L'arrêt des transits sur cette section a entraîné un manque d'entretien cruel qui commence à abîmer ces éléments d'ouvrage anciens qui agrémentent nos paysages et qui pourraient nuire définitivement à l'idée d'une réouverture de cette ligne essentielle pour les bassins économiques, notamment de Thiers, Montbrison, Clermont, Saint-Étienne. Alors à l'initiative notamment des amis du patrimoine thiernois, eh bien l'association Le Train 63 42 69 est ravie de se joindre à cette initiative qui consistera à valoriser ce patrimoine historique lors de ce chantier participatif ouvert à toutes et tous avec au programme un défrichage des abords de ce viaduc incroyable. Alors chacun, chacune peut amener ce qu'il veut pour déjeuner le midi, pour un déjeuner collectif et convivial, des outils, pourquoi pas, pour défricher de la végétation invasive. Ce rendez-vous est donné sur place ce samedi 7 décembre, dès 10h, au lieu dit le Grand Tournant, donc à Thiers. Le village est traversé par l'ancienne route nationale 89 entre Thiers et la Monnerie. Voilà pour ce terminus de ce 7 décembre et ce chantier participatif. Mais justement, en vue de vous annoncer ce rendez-vous, eh bien, prenons le train et le wagon de toute la démarche de cette association qui entend promouvoir et défendre la nécessité justement de réouverture dans sa continuité de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne par Thiers et Bouin, ce tronçon de 48 km interrompu, suspendu à tout trafic depuis mai 2016. Ils ont mené d'autres actions au-delà de ce 7 décembre à venir. Le 5 octobre dernier, pour exemple, se tenait un relais du rail, grande manifestation à pied et vélo, pour exiger la réouverture de cette ligne Clermont-Saint-Étienne. Eh bien, nous les avons rencontrés, cette association et ses membres, dans le cadre du Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique. C'était les 23 et 24 novembre dernier, Parc Expo Saint-Étienne. Nous étions en direct, les radios Loire-Sud d'ailleurs, avec Radio Andenne, pour aller à la rencontre de ces exposants exposantes, associations, militants, militantes, au travers d'interviews, tables rondes, et une de ces rencontres portait donc sur le train 63 42 69. Rencontre avec l'association d'ici un instant sur 895 de Dio. Alors précisément, on profite de l'occasion d'une rencontre, précisément, parcourant les allées de ce Tatou Juste et de ce Parc Expo. Je suis allé sur l'espace et le pôle mobilité active, et j'ai trouvé là l'association. Alors, on va donner le nom, c'est le train 63 42 69. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au micro de Dio et Andenne. Merci. Alors, de ce temps de parole pour notre association. On va profiter de l'occasion. Je vous laisse vous présenter peut-être en premier lieu. Donc je suis Delphine Kabelgen, trésorière de l'association Le Train 63 42 69, une association qui tente de faire rouler à nouveau les trains dans sa continuité entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Oui, alors que s'est-il passé sur cette ligne ferroviaire ? Alors, il y avait un train, il y avait un joli train qui faisait donc Clermont-Ferrand-Saint-Étienne jusqu'en 2016. Et le 24 mai 2016, décision a été prise de suspendre la circulation entre le tronçon Thiers et Bouin pour des problèmes de travaux à réaliser, puisqu'il y avait des travaux à réaliser sur cette ligne. Et donc les usagers, les citoyens du territoire entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne, donc ont attendu le train. Et le train devait à nouveau rouler, et le train ne roule toujours pas depuis 2016, et nous sommes en 2024. Donc une ligne qui n'existe plus, qui n'est plus en tout cas, enfin qui existe physiquement. Ah oui, elle existe la ligne. C'est la raison pour laquelle notre association se bat pour en fait mettre en œuvre des travaux, donc les financer, demander à ce que nos impôts puissent effectivement nous permettre de à nouveau rouler entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne sans rupture, sans discontinuité, et que effectivement on n'impose pas comme transport en commun, puisque c'est le cas actuellement entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, et notamment dans le tronçon entre Thiers et Bouin, on impose aux citoyens de monter dans un car. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque le car, c'est pratique le car, mais là en l'occurrence c'est vrai que quand on est dans un train, on aime monter dans un train et on aime en sortir donc à destination, et on n'aime surtout pas en descendre pour monter dans un car. Alors je dirais un service public qui n'est plus rendu. Qu'est-ce qui explique cela ? Parce que c'est aussi un choix politique fort. Qu'est-ce qui fait que les autorités, je dirais, ou en tout cas les instances compétentes en la matière, n'ont pas engagé les travaux et ne réouvrent pas cette ligne ? Alors ça, je ne pourrais pas expliquer la raison pour laquelle, effectivement, on a délaissé... J'imagine donc, que vous avez quand même eu des retours. Vous avez sollicité les autorités sur la question. Il y avait des arguments... Alors, les arguments... j'ai envie de dire, le premier argument, c'est qu'effectivement, on oriente les financements dans les transports, en tout cas pas vers le ferroviaire. Je pense que ça, on peut le dire. Et le constater. Donc les arguments, nous on a plutôt des arguments pour faire rouler les trains et pour que les citoyens remontent à nouveau dans les trains et montent encore plus dans les trains, puisqu'on sait aujourd'hui quand même que sur ces lignes dites donc de desserte fine ou les TER, donc ces trains du quotidien, ce sont les transports en commun des milieux ruraux, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de transport en commun quand on habite Noir-Étable dans le forêt, dans le Haut-Forêt, donc entre Thiers et Bouin, tout comme on a un transport en commun à Saint-Étienne et on prend le tramway. Alors, justement, vous parlez de territoire rural, ce qui est quand même le cas en grande partie sur cette liaison entre ces deux grandes métropoles, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, avec justement déjà ce problème peut-être de désertification de ces territoires qui aujourd'hui ne bénéficient pas de transport possible, transport en commun. Alors que, on le sait, c'est aussi un véritable problème à la fois politique mais écologique aussi, que de tenter de développer précisément le transport ferroviaire, laisser la voiture de côté. Est-ce qu'il y avait un problème justement aussi peut-être d'usage et de fréquentation, pour exemple, de ces lignes ? Alors, vous avez utilisé le terme que j'aime bien et malheureusement qui est en grande souffrance, c'est transport public. Donc aujourd'hui, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal à entendre ce discours que parce que ce sont des territoires effectivement qui se désertifient et qui s'enclavent parce qu'on fait tout pour que l'activité s'en aille, que les habitants s'en aillent, parce qu'il est évident que quand on ne peut pas effectivement aller, par exemple, de Noir-Étable étudier à Saint-Étienne facilement sans un transport en commun pratique et parce qu'on n'a pas de véhicule, ou bien parce qu'on ne peut pas conduire, ou bien parce qu'on a décidé qu'on laisserait le véhicule dans le garage ou à la gare la plus proche pour aller au travail, c'est sûr que ça aide pas effectivement à se mobiliser et pouvoir utiliser un transport en commun et imposer aux gens qui habitent ces territoires de recourir à la voiture. Or aujourd'hui, clairement, on sait bien tous qu'il faut décarboner nos déplacements. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre donc tout à l'heure à 13h30. Dans le square donc du Chêne, je crois. Oui, le square Chêne qui est juste exactement, à côté. Exactement, pour vous présenter l'association et à la fois pour vous avoir un petit débat ensemble sur le train, transport écologique et structurant, parce que nous on y croit vraiment et que le train qui apparaît peut-être comme vieux, ancien, historique, personnellement je pense que c'est une solution d'avenir et que dans la mesure où on a une infrastructure qui existe, donc les rails sont toujours là, il faut absolument qu'on puisse remettre un train sur cette ligne et rétablir la continuité entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, parce que le train, c'est confortable, c'est sûr, c'est efficace et bien plus écologique que la voiture individuelle. Oui, bien sûr, ça fait partie des arguments que vous défendez. C'est important, c'est une urgence climatique. D'abord, le transport de voyageurs par rail nécessite de 8 à 20 fois moins de CO2. C'est un intérêt économique qui est souvent aussi défendu. C'est quand même moins cher, en effet, que le trajet bagnole, il faut le dire. C'est 70% moins cher. Et puis, on le rappelle, à nouveau, on évoquait cette problématique aussi de territoires ruraux. C'est aussi un désenclavement du territoire. C'est quand même un cas de figure assez unique en France, de grandes métropoles telles que Clermont et Saint-Étienne, qui sont les deux seules métropoles en France qui ne soient pas directement reliées par le train. Vous avez mené différentes actions. Alors là, vous le menez précisément en termes d'information, de sensibilisation sur cette question. Vous avez pour le coup un espace stand ici présent, mais vous menez d'autres actions. Et ce fut le cas, je l'ai d'ailleurs relayé sur l'antenne du 895 de Dio au mois d'octobre dernier, une action et mobilisation que vous avez organisée le samedi 5 octobre, avec pour objectif et seul objectif le retour du train précisément entre Thiers et Noireta, Bouin-sur-Lignon, donc Clermont-Saint-Étienne, avec différentes actions à pied, à vélo, entre ces différentes communes. Petit bilan justement de cette action passée, et est-ce que là aussi dans le calendrier d'autres échéances à venir pour l'association ? Alors peut-être, avant de parler du relais du rail du 5 octobre, vous dire aussi que nous avons mené pendant plus d'un an, et d'ailleurs on avait ici même à Tatou Juste en 2023, nous étions là pour en fait communiquer et faire partager notre campagne de mobilisation citoyenne autour du retour du train entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, donc notamment donc dans le tronçon suspendu. En l'occurrence, nos petites actions, comme le relais du rail le 5 octobre, d'abord, c'est ne pas oublier que le train, la ligne est là et qu'il faut absolument s'accrocher, parce que souvent, on rencontre des citoyens qui sont défaitistes et qui pensent que c'est foutu, et bon, c'est comme ça, et le train ne roulera pas. Donc, nous, on reste positif, parce qu'il faut rester positif dans la situation dans laquelle on est, et on voit que les derniers aléas climatiques qui nous ont touchés, d'ailleurs, pas très loin d'ici, donc dans la vallée du Gier, on voit quand même qu'on est obligé de faire quelque chose, et le train est une des solutions, notamment donc dans les transports. Hein. 30%, plus de 30% des gaz émis à effet de serre donc pour les transports en France, et la moitié c'est la voiture individuelle. Hein, donc c'est énorme. Donc pour pouvoir laisser au garage la voiture, il faut des solutions, et des solutions qui sont pratiques, écologiques, efficaces. Encore une fois. Donc nos actions, c'est aussi pour montrer que nous occupons le terrain, parce que on veut ne pas être oublié, on veut que les citoyens des territoires aient un transport en commun, que nous ayons un transport en commun qui soit digne, comme un train peut le représenter concrètement. Ouais. Alors concrètement, est-ce que d'autres actions, on le disait, sont prévues et en perspective, au-delà peut-être de mobilisations telles que le 5 octobre, qui sont des actions, je dirais, un peu de sensibilisation, mais de contestation aussi. Est-ce que d'autres actions sont prévues de ce type, ou sur d'autres aspects, via la région, peut-être d'autres associations, parce qu'on sait que d'autres lignes sont concernées aussi. Tout à fait. En termes de cadence, Vous dire que bon, j'ai pas vraiment de calendrier à proposer pour 2025. On a au moins, effectivement, on sera présent sur le marché de Noël de Noir-Étable le 14 décembre, parce que là aussi, c'est pour rencontrer les citoyens et parler de cette problématique, et mettre et communiquer, et surtout informer les citoyens de la situation. Donc, donc pour nous, c'est toujours la ligne est là, le train peut à nouveau revenir. En 2025, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de calendrier. En plus, on a, comme toute association, des assemblées générales, donc ça se décide donc avec nos adhérents, et vous dire aussi quand même, peut-être ça c'est important, n'hésitez pas à venir nous voir donc au niveau du stand du train F15, F comme Françoise, on vous accueillera si vous soutenez aussi cette démarche de faire rouler le train ici et ailleurs. Vous pourrez signer notre campagne de mobilisation citoyenne, qui actuellement, les signatures arrivent donc petit à petit au niveau de la région, parce qu'il est vrai que nous avons comme objectif premier que la région accepte de mettre de l'argent dans les travaux sur cette ligne, tout comme d'autres lignes qui sont effectivement en souffrance en Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, aussi pour vous informer, nous faisons partie du collectif Orail, collectif de 19 associations donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui là aussi milite pour que le train roule mieux, roule plus dans les territoires. Oui, alors une pétition, une campagne en tout cas de mobilisation citoyenne, au-delà, ce sont aussi les espaces de décision qui sont importants, hein. Et donc c'est la région en l'occurrence qui est aussi à compétence en matière de tout transport. À fait. J'imagine que vous avez le soutien des élus locaux, des communes concernées. Oui. Mais quelle est la position de la région ? Et au-delà, est-ce que vous consultez aussi peut-être et sollicitez les élus ou parlementaires au niveau de l'État, de manière plus générale ? Alors, eh bien, tout ça. c'est-à-dire que toutes ces personnes, on les sollicite, hein, donc notamment les députés, sénateurs sur les territoires. Et puis, la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses représentants sont sollicités très régulièrement, plusieurs fois par an. Nous avons aussi des réunions, nous sommes présents, nous participons. Pour l'instant, vous le constatez comme moi, les travaux n'ont pas encore démarré. N'ont pas repris. Pourtant, il y avait une étude il y a 2 ans qui avait été faite. L'étude CEREMA, demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, hein, c'était une commande de la région en 2023. Nous, on était très contents d'entendre que les infrastructures, hein, puisque c'est une ligne qui traverse la moyenne montagne, donc il y a des ponts, des tunnels, tous ces ouvrages d'art, hein, qui font aussi la la beauté de la ligne. Ces ouvrages d'art sont en bon état. Ça, c'est l'étude CEREMA 2023. Donc, effectivement, on ne peut pas cacher qu'il n'y aura pas des investissements et des travaux et donc de l'argent. Après tout, moi, en tant que citoyenne, je préférerais qu'on mette de l'argent sur du ferroviaire plutôt que sur du bitume, pour ne pas trop, pas trop polémiquer, mais c'est comme ça que je vois les choses. En termes et en chiffres sonnants et trébuchants, parce qu'il y a 1 million d'habitants concernés, en gros, sur ce réseau, sur cette ligne, mais en termes de moyens, qu'est-ce que cela nécessiterait, la réouverture, et peut-être donc quelques travaux à envisager sur cette ligne? Alors, il y a une estimation qui a été réalisée, donc elle est visible, si je pense qu'elle doit être visible là, c'est-à-dire 150 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très à l'aise avec les chiffres. Mais en l'occurrence, là, évidemment qu'il y a de l'argent à positionner. Ça, j'ai envie de vous dire aussi qu'on aurait positionné cet argent en termes d'entretien depuis 20-30 ans, et ça, c'est un problème un peu français. Dans le ferroviaire, on n'aurait pas non plus les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis, toujours mettre en parallèle, ce qu'on oublie un peu, c'est que ça coûte cher, c'est vrai, mais est-ce que le fait de désenclaver un territoire, faire des familles, fixer des entreprises, faire des territoires économiquement plus viables, avec des services publics, c'est aussi des intérêts certains, y compris sociaux, qui permettent, je pense, aussi de faire vivre les territoires. Donc c'est un investissement d'avenir, et je ne parle pas de l'écologie. Oui, mais c'est un investissement, ça a un coût certes, mais un bénéfice là qui est indéniable à tout niveau. Merci beaucoup Delphine pour nous avoir présenté cette association Le Train 63-42-69. C'est les chiffres qui représentent les trois départements concernés. Vous avez un site internet dédié, letrain63-42-69.org. Tout à fait. On vous souhaite bonne continuation, courage pour la suite, en espérant que les choses se décantent, si je puis dire ainsi. On l'espère. En tout cas, voilà pour votre association citoyenne qui a pour objectif principal ces deux axes, promouvoir et défendre la nécessité de la réouverture de cette ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, Partières et Boin, et puis agir pour améliorer le service public afin de répondre aux besoins des usagers, et notamment là en termes de déplacement et de transport. Merci de votre invitation. À vous, bonne continuation, et puis on vous souhaite un bon tatou juste aussi pour votre présence donc sur l'espace mobilité ou le pôle mobilité active où vous avez un stand durant ces deux jours. Merci. On va terminer cette interview, en tout cas faire transition sans jeu de mots, en musique, parce qu'il s'avère qu'un groupe de la région, avec pour l'un d'entre eux originaire de Noirétable, donc précisément concerné par cette ligne. Il s'agit de Salim, qu'on va saluer par ici, membre ou ex-membre des Six Packs. Là, on va parler aussi à Nicolas ici présent, qui a lancé un nouveau projet musical il y a quelque temps de cela, Go Public, et qui précisément a un titre qui bien porte précisément le nom et titre, en tout cas de votre association, c'est cette ligne concernée, 63-42-69. C'est le titre de ce morceau de Go Public que je vous propose d'écouter. Oh, c'est trop chouette. Yeah. Et voilà, c'était 63 42 69 par Go Public pour boucler cette interview auprès de l'association Le Train 63 42 69 que nous avons rencontré sur Tatou Juste donc fin novembre dernier, 23 24 novembre au rendez-vous de la transition écologique Parc Expo pardon, sur ce Tatou Juste. Voilà, le ferrovire menacé, remettre le train sur les rails, c'est l'objectif de cette association, vous l'avez compris et entendu. Avec donc eh bien cette mobilisation, sensibilisation, information, promotion, défense de cette nécessité de réouverture donc de cette ligne ferroviaire Clermont-Saint-Étienne, en tout cas dans sa continuité, notamment par Thiers et Bouin et ce tronçon suspendu à tout trafic depuis mai 2016. Et l'association, eh bien, je le disais, engage plusieurs actions en cette fin d'année 2024. Vous l'avez entendu, d'abord une présence à nouveau sur le marché Noir et Table, ce sera le 14 décembre prochain. Et puis, pour cette et à partir de ce jour, de ce début de mois de décembre, eh bien, l'association collecte des témoignages sur les conditions de transport indignes par le car entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, car c'est l'alternative proposée aujourd'hui. Seulement, voilà, le train pourrait desservir facilement les deux métropoles Clermont-Saint-Étienne en 1h50 contre 2h40 actuellement en bus. Alors, chaque semaine, l'association va publier un témoignage d'un usager ou d'une usagère des cars entre Clermont et Saint-Étienne, témoignage qui mettront en lumière les difficultés donc depuis la suspension de cette liaison ferroviaire entre les deux villes depuis 2016. Voilà, vous pouvez donc partager votre expérience via l'association, alors qui certes eh bien, un profil notamment réseau social Facebook via le train 63 42 69 et un site internet dédié. Tout simplement le train en chiffres 63 42 69.org, où vous retrouverez également la possibilité de témoigner et autres actualités, informations concernant l'association. Et puis autres actions, vous l'avez entendu, de nombreux ouvrages de qualité qui font aussi toute la beauté de cette ligne. Des tunnels, des ponts, des viaducs, et c'est le cas du Grand Tournant, un des plus grands ouvrages ferroviaires de cette région, avec ses grandes arches toujours en place, mais qu'il s'agit aussi simplement là d'entretenir, et c'est précisément le but de cette action et de ce chantier participatif qui aura lieu ce 7 décembre, puisque cette section manque d'entretien cruel et qui menace précisément eh bien, d'abîmer aussi cet ouvrage remarquable, mais qui surtout, entretenu, permettrait de défendre la réouverture de cette ligne essentielle. Donc voilà, plusieurs associations mobilisées, les Amis du Patrimoine Tiernois, l'association Le Train 63 42 69, et donc rendez-vous pour ce chantier participatif ce samedi 7 décembre, au lieu dit Le Grand Tournant à Thiers, à partir de 10h. Alors, le 895 de Dio et le 90.9 de Radio Ondaine à Firminy, les deux radios associatives Loire-Sud, étaient présentes sur ce Tatou Juste des 23 et 24 novembre dernier pour aller à la rencontre des associations présentes, mais également eh bien, proposer diverses interviews, notamment de conférenciers, conférencières, toute cette partie programmation, conférence de ce Tatou Juste. Donc, nous avons interviewé les auteurs, autrices de nombreux ouvrages qui ont fait l'objet de conférences sur ce Tatou Juste, et puis des interviews, certes, comme celle de l'association 63 42 69 à l'instant, mais des tables rondes également sur diverses thématiques. Tout cela va vous être proposé, l'ensemble de ces rencontres, de ces productions, sur nos sites respectifs. Ce sera donc le cas très prochainement, après un petit montage et mise en ligne sur radiodio.org, et retrouver l'ensemble de ces rencontres et tables rondes, dont l'une d'elles portait pour exemple sur l'habitat participatif et notamment la question du vieillissement associé, vieillir en habitat participatif. Une table ronde avec différentes associations et collectifs travaillant sur la question, Solenvie, les Castors. Et précisément, vous retrouverez prochainement en diffusion hertzienne et mise en ligne cette table ronde comme les autres proposées, mais simplement peut-être faire lien avec une actualité en la matière sur la question du vieillissement et de l'habitat participatif, avec cette information que nous avons reçue d'Habitat et Humanisme Loire, qui a inauguré, c'était fin de semaine dernière, eh bien, sa maison intergénérationnelle, la Fourmille, qui a été inaugurée en plein cœur de Montbrison ce 29 novembre dernier. Un projet innovant qui comprend 12 logements qui accueillent aujourd'hui des personnes de tout âge, à faibles ressources, dans un cadre alliant la solidarité au lien social et à l'inclusion. Voilà pour cette maison intergénérationnelle, la Fourmille, comme d'autres logements d'ailleurs sur cette aussi expérience et cette base-là qui sont proposés sur le département et qui seront et est abordé au sein de cette table ronde que je vous proposerai en diffusion et en écoute très prochainement sur le 895 de Duo. Quelques infos rapides pour boucler ce programme. Vous rappelez cet événement qui débute ce jour, une expérience de librairie éphémère. Proche de la place Fournéron, c'est la librairie Limax. L'inauguration a eu lieu ce 20 novembre dernier également, ce 29 novembre dernier en soirée. Alors il y a toute une programmation prévue, dont une journée spéciale science-fiction qui est en préparation et on aura l'occasion de vous le rappeler. En tout cas, cette librairie éphémère s'ouvre aujourd'hui, ce 2 décembre, jusqu'au 24 décembre prochain. Voilà, un mois pour cette expérience de librairie, et bien comme ça, éphémère, en effet, avec 42, non pas le département, mais acteurs, on va dire, du livre, associés, certifiés, stéphanois, pour faire vivre ce lieu. Voilà, du 2 au 24 décembre, de 11h à 19h, retrouvez la librairie Limax, avec donc éditeurs stéphanois et artistes locaux. C'est situé précisément 5 rue Ferdinand à Saint-Étienne, près donc de la place Fournéron. Avant de terminer en musique, ou presque, finalement, un projet là qui mêle musique et cinéma, c'est un film d'un réalisateur local et stéphanois, Julien Heurtier, qui a réalisé ce film As Aguas Que Corren, Ces eaux qui courent, voilà ce que signifie ce titre-là. C'est un film qui suit les eaux de Rio de Janeiro, ces eaux qui coulent, ces corps qui transpirent, ces parcours de vie d'artistes afro qui militent pour une société plus juste. Depuis les sources du haut des favelas, les orichas, ces divinités des rites afro-brésiliens, vont nous conduire tout en douceur jusqu'à l'océan, entre vie quotidienne, rituel et performance de rue. Voilà ce que relate ce film-là, qui sera projeté ce vendredi 6 décembre à 17h30 à la médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert. L'entrée y est libre et à l'issue de la projection, il sera possible de discuter avec le réalisateur. Julien Heurtier est donc présent pour nous parler de ce film et surtout de l'aventure finalement et expérience qui a amené à cette réalisation. Cela va nous amener au Brésil, ou presque, avec ses annonces concerts pour terminer ce programme. Cette artiste-là est brésilienne justement, mais vit en France depuis maintenant de longues années, depuis 2006 je crois. Il s'agit de Flavia Coelho, qui est de retour depuis quelques mois, c'était au printemps dernier, puisqu'elle a sorti son cinquième album, Jinga, si je prononce correctement. Elle a été en tournée tout l'été, et tournée qui se poursuit d'ailleurs. Et Flavia Coelho est en concert cette semaine du côté de la salle Le Fil à Saint-Étienne, la SMAC stéphanoise, qui accueillera ce jeudi 5 décembre à partir de 20h30 Flavia Coelho, qui justement a parcouru tous les chemins du monde, voilà, depuis les Moros, les collines de Rio de Janeiro jusqu'aux rues pavées de Paris. 4 albums, 5 albums désormais à son actif, avec de nombreuses collaborations, aussi prestigieuses les unes que les autres. Flavia Coelho en concert avec Dinaa en première partie. C'est donc ce 5 décembre. Nous avons des places à vous proposer. Cadeau sur le 895 de Dio. Ça se passe tout de suite maintenant au bout du fil. C'est le 04 77 25 05 94. N'hésitez pas, contactez-nous et vous bénéficiez simplement de places pour ce concert. Et puis les partenariats Dio vont se poursuivre en cette fin d'année 2024. Le 6 décembre, du rap avec Ziné Mahou, artiste local pour Mahou, qui est originaire de Rive-de-Gier. Le grand bal de la Sainte-Barbe, on vous le rappelle, c'est ce week-end, la Sainte-Barbe. C'est le 4 décembre, fêté ce 7 décembre, salle Le Fil également, avec un grand bal du côté de la salle. Et puis il y aura encore cette belle date partenaire, Sabali, formation locale, partagera l'affiche avec Sean Kuti, le fils du grand Fela Kuti, et son groupe Égypte 80. Héritage, en effet, Sean Kuti a repris le flambeau de son paternel, un pionnier de l'afrobeat, Fela Kuti, et donc poursuit ce travail en leadant aujourd'hui le groupe de son père, Égypte 80. Il sera en concert le 12 décembre prochain, salle Le Fil, une date partenaire Dio également. Pour l'ensemble de ces dates, des places vous sont proposées sur 895 et vous annoncez que pour le 12 décembre et ce concert de Sean Kuti, ouverture des portes à partir de 19h30 pour justement un plateau en direct, live, en public, salle Le Fil. Dio part en live le 12 décembre prochain à partir de 19h30. Voilà, pour ces dates, n'hésitez pas, contactez-nous. 04 77 25 05 94, ou si vous chopez les rediffs, attention, pourquoi pas un petit mail à redac@radiodio.org. On termine ce programme des mots, des sons sensibles avec Flavia Coelho. Maïs Amor, et oui, toujours plus d'amour, on en a grandement besoin. C'est Flavia Coelho pour terminer ce programme. Tout bon chez vous, on se retrouve demain pour d'autres actus infos, nombreuses cette semaine. Des mots, des sons sensibles se terminent donc ainsi. Maïs Amor de Flavia Coelho. Ciao, bye. Nossa voz, um instrumento que define os sentimentos, campo livre de expressões, cachoeira de água clara. Nossa voz de intensidade no refrão da mocidade, nossa cor um festival, força que se sobressai na rua, no gueto, na mistura tamborim no coro do cantor. Só swing das paradas de sucesso. Teco, teco, bongo, reco, reco, tan, tan, pego, pego, no teleco, teco. Nosso jeito de criança, nosso erê que não se cansa, nossa luta soberana, edifício que não cai. Nossa visão é diferente, viver pra nós é um presente. Somos vetor de sentimentos, força que se sobressai na esquina, no gueto, no repique lá no ensaio do trabalhador. Só swing das paradas de sucesso. Nosso hino vem da escola preferida, tenores do samba pra avisar. Tá na hora, arquibancada. arquibancada vê pra agitar.